Section 82 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Heidi Quist. La lecture, tome 3e, section 82. Les bouquets des pauvres par Paul Bourget. Les petites filles des rues qui vivent en vendant des fleurs me sont bien souvent apparues comme un symbole de douleur. Dans leur pauvreté poétique, ces messagères de printemps trappent d'un rayon fantastique leurs maigres membres grelottants. Et leurs petites mains frileuses composent pourtant les bouquets dont se parent nos amoureuses pour les bals légers et coquets. Petites filles inquiètes qui mourait de faim et de froid en vendant des fleurs pour nos fêtes, n'êtes-vous pas mes sœurs à moi? Pendant que j'écris pour madame de fins sonnets capricieux, un autre possède son âme et baisse en riant ses beaux yeux. Mais elle, dure autant que belle, lit mes sonnets et prend vos fleurs, sans plus soupçonner que pour elle, nous avons tant versé de pleurs. Et que, durant les nuits sans lune, nous avons le désir souvent d'aller noyer notre infortune dans le fleuve immense et mouvant. Ce qui n'empêche pas, pauvrette, qu'on nous verra demain matin, en dépit des douleurs secrètes, reprendre l'ouvrage incertain, et pour la foule ingrate et vile, et pour la dame aux yeux pervers, composée d'une main habile, vous, vos bouquets et moi, mes vers. Fin de section 82.